2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h. Prune 92 FM. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer? Enfin, il a été changé, c'est indicatif. Mais what? On va se le réécouter, on n'a pas le choix. Ouais. Ah bah bien sûr. J'aimerais bien le déguster une seconde fois. S'il te plaît, Jonas, est-ce que tu peux remettre l'indicatif de la saison 8 de Boum Bomo? C'est la première fois qu'on l'écoute sur Prune et c'est tout de suite la deuxième fois, vas-y. Hop, c'est reparti. Ou pas. Ah, première couille technique. 1, 2, 3, 4. Ouais. Oh là là. Moi j'adore Boom cette basse là, synthétique. Boum Bomo. Ouais, avec la voix de Julie. Dédicace à Julie. Musique française. Curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h, sur Prune 92 FM. Musique française, messieurs-dames. Curieuse. Bon, Vincent, tu nous expliques un petit peu l'histoire magnifique de cet indicatif. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet indicatif-là exactement? Alors déjà, merci Julie qui a la voix de Boum Bomo depuis la première saison. C'est seulement le troisième indicatif différent. On a eu un premier indicatif à la première saison, un deuxième qui a duré la saison 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour la saison 8, ça y est, on change enfin. Tu peux laisser couler le bed derrière moi. Oui, je vois, tu parles sur un bed là. Je deviens un peu plus tolérant. Normalement, j'aime pas ça quand il y a de la musique derrière. Pff, ça va, je m'assagis avec l'âge. Yes. Donc big up à Julie pour qui est la voix une fois de plus de ce nouvel indicatif. Et ouais, mais tu me demandes quand. Mais en fait, ça fait 5 ans qu'on veut le changer, l'ancien indicatif. Exactement. Et ça fait 5 ans qu'on ne le change pas. Ouais. Et ça y est, c'est fait. Et pourquoi on voulait le changer, Vincent? Bah, il était hyper bien, hein. Oui, non, mais voilà, mais qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, parce que dans l'ancien indicatif, la voix de Julie, elle disait, par ma faute, musique française des années 60, 70, 80. Et en fait, on a un peu changé, comment dire, le créneau de l'émission. C'est plus musique française, c'est musique française curieuse. Et on s'est carrément ouvert aux années 90, 2000, 2010. On est vraiment plutôt 60, 70, 80, 90. Mais on est plus tolérant, on est plus ouvert. Mm-hmm. Boum Bomo pour la 8e saison sur Prune, avec toujours plus donc, de musique française et francophone. On explore les déviances, on explore les métissages, on repousse les frontières. C'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on fait déjà. Ouais. Depuis 8 ans, Jonas, je te remercie d'être à mes côtés. Avec plaisir, Vincent. Tous les mercredis. Ou presque depuis 8 ans, on a dépassé les 200 émissions supporter. L'an dernier, on doit être à 210, un truc comme ça. Ouais. Ça va, t'as pas fait de bêtises encore, mais non. Je sais déjà, je vois tes yeux malicieux, je sais déjà qu'il va se passer les trucs dans l'émission. Bah, on sait pas. On sait où je vais devoir te supporter, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Ouais. Voilà, Boum Bomo, musique française curieuse, musique française et francophone curieuse, les déviances, les métissages, les frontières, c'est tout ce qu'on explore. On écoute un premier morceau avant de se raconter un peu notre été, parce qu'on n'a pas pris l'antenne, Jonas, depuis 4 mois, c'était en juin dernier. Le premier morceau qu'on écoute, c'est évidemment le morceau avec lequel on a construit cet indicatif. C'est un morceau de Serge Gainsbourg qui reprend un morceau d'Edith Piaf. Ça s'appelle Mon Légionnaire, c'est à la platine de droite. Jonas, Boum Bomo, premier morceau de la saison 8. C'est parti. C'est parti ou pas? Ouais. La tranche n'est pas levée, je pense. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je ne sais rien de lui. aimé toute la nuit pour les yeux maîtres. Et me laissant à mon destin, et parti d'un matin plein de lumière. Était mince, était beau, il sentait bon le sable chaud. Soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Bonheur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure puis je songe que lorsqu'il était sur mon cœur, j'aurais dû crier. Lui dire, j'avais peur de le voir sourire. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire, et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin. Soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Dans le désert, il avait ses beaux yeux ouverts. Dans le ciel passaient des nuages. Il a montré ses tatouages en souriant et il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris, montrant son cœur ici, personne. Il savait pas, je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin nous ramènerait un beau matin. Qu'on s'en irait seuls tous les deux dans quelque pays merveilleux plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds. Ah là wow. Là, cette ligne de basse synthétique, moi, ça me fait shaker mon booty. La ligne de basse, je sais pas ce que c'est que l'instrument cuivré, un saxophone, je pense, ou un truc comme un, ça. Un saxo, comment les petits, là, je me rappelle plus comment ils s'appellent. C'est pas alto, c'est les graves. Il y a marqué sax Stan Harrison, je pense que c'est un sax. Et puis avec le synthé derrière, c'est juste complètement ouf ce morceau de Serge Gainsbourg de 1987 qui s'appelle Mon Légionnaire. C'est une reprise d'Edith Piaf. Edith Piaf qui chante son amour, son attirance carrément sexuelle, bestiale, ouais, presque pour son légionnaire. Et dans la bouche de Gainsbourg qui a chanté ou... ou comment dire, écrit à propos de plein de sexualités différentes, ouais. Plus ou moins légales. Là, ce truc totalement homosexuel, c'est what, c'est ouf. La tension change de camp. Il y a une tension carrément ouf. C'est loin d'être son morceau le plus sulfureux, mais ça, il y a quand même un truc qui. Bref, c'est notre nouvel indicatif. Et on est très fiers. Enfin, honnêtement, je trouve qu'il bute. Voilà. Il reste un ou deux petits trucs à corriger, peut-être. Il y a un petit rire qu'on va déplacer, oui, peut-être. Bah, ce sera... On aurait pu ne pas le spécifier. Ça aurait fait partie d'un trivia. C'est vrai. C'est vrai. Plus tard, mais oui, il y a des petits ajustements à la marge à faire, mais globalement, c'est exactement ce qu'il fallait, quoi. Boom Bomo, saison 8, ça y est, c'est lancé, le concept est le même, yes. Je le disais en introduction, on va défendre la musique française et francophone curieuse, on va inviter plein d'invités, c'était un peu nul cette phrase, je vais recommencer, on va inviter plein de DJ, de diggers, et j'espère plein de diggeuses aussi, je déteste ce mot diggeuse, faut que j'arrête d'utiliser, bref, des garçons et des filles qui aiment les disques, qui fouillent, les bacs, qui creusent. Le premier à passer dans cette huitième saison, c'est moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais proposer ce soir, outre ce Gainsbourg qui était un peu hors catégorie. Je vais proposer une sélection de disques que j'ai ramassé cet été, donc depuis le mois de juin, chez les disquaires, dans les brocantes, dans les vide-greniers. Et le tout premier, ça va Jonas, je vois que c'est la panique en studio. Qu'est-ce qui se passe? C'est génial. Alors en fait, je viens Qu'est-ce de me rendre compte. Passé Alors je raconte aux éditeurs et aux éditrices, en fait, on a changé de platine pour cette saison. Et le bouton de la platine de gauche est beaucoup trop loin pour le fil de mon casque. Donc, tu vois, je suis un bon réalisateur. Je commence à prendre les devants et à me dire, il va falloir que j'appuie sur ce bouton qui est à peu près à 3 mètres de mon bras. Et voilà, j'ai le bras long, mais non, là, c'est vraiment trop long. Donc voilà, donc, c'est très bien ce que tu faisais. Tu meublais, personne n'aurait su. Ouais, grave, mais là, je te voyais faire n'importe quoi derrière les platines. Donc, on en profite pour faire un gros big up à Prune, à toutes les filles qui bossent à Prune, à tous les bénévoles de Prune, à tous les, toutes les salariés de Prune et tous les services civiques de Prune. Enfin, il y a des MK2 à la radio, ça fait trop plaisir. On va mixer sur du bon matos. L'an dernier, c'était pas foufou les platines, l'année d'avant, pareil. Et là, boum, on a des grosses techniques qui arrivent, c'est trop cool. Le morceau suivant, c'est un truc que j'ai dû choper chez Piche Boutique, une boutique de disques à Nantes qui est vraiment hyper cool. C'est Catherine Le Forestier et ça s'appelle Voyageur quand Jonas, mais c'est incroyable, il faudrait vraiment que les auditeurs voient ce qui se passe. Il y a Jonas qui est en train de s'embrouiller avec son micro. Pour les prochaines émissions, je pense qu'il va falloir en fait, je pense qu'il va falloir les mettre à la verticale, les platines, ou ça va pas aller. Le bout de... je sais pas, enfin je pense qu'on va pas être les seules émissions à galérer à balancer des vinyles comme ça, à moins que les émissions où ils sont trois, peut-être c'est mieux, mais j'avoue qu'il y a deux. La semaine prochaine, c'est pas clair encore, mais la semaine d'après, il y aura déjà des invités MP3, il y aura juste appuyé sur play. donc voilà. Catherine Le Forestier, le morceau s'appelle Voyageur ou Le Voyageur, peut-être bien. On va ralentir un peu, le Gainsbourg, il était vénère. On va écouter pendant 45 minutes désormais les morceaux que j'ai chopés cet été. Une petite sélection des nombreux morceaux que j'ai chopés cet été. On part sur un truc un peu psyché folk, Catherine Le Forestier, ça s'appelle Voyageur. Vous êtes dans Boom Bomo, on est ensemble jusqu'à 23h et ça fait vraiment trop plaisir d'être de retour sur Prune. Voyageur, étrangère. Passons le seuil de l'œil et au-delà. Un je suis toi, deux soyons Dieu. Trois je te crois. Tout ça que je préfère. Eh bien, on était sur un concept, là, Vincent. Là. J'ai noté au niveau du champ lexical, et assez particulier, et surtout une parole, du coup, une phrase qui m'a fait assez tiquer. Je me suis laissé glisser dans le vide ordure. Intéressant. Eh bien, écoute, on explore dans Boom Bomo les musiques françaises, les musiques francophones, tout ce qui est. C'est sûr que pour le commun des mortels, le Boom Bomo c'est devenu un peu moins accessible au fur et à mesure des saisons. Au début, on jouait un peu plus France Gall, on jouait un peu plus Lino Ferrer. C'était génial aussi, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ces trucs-là. Ouais. Et de plus en plus, je m'oriente vers des choses un peu plus sombres, un peu plus. Donc, c'était quoi, curieuses, le style, là un peu plus. Waouh, wow, bonne question. C'était un morceau de Laurent Petit Gang et qui est Loury Petit Gang. Le morceau s'appelle Ra. C'est une espèce de comédie musicale produite d'ailleurs par le CNDC d'Angers, qui est dans les crédits du disque. Yes. On retrouvera comme d'habitude toute la tracklist sur le site de Prune, prune.net de demain. J'aurais dit que c'était une sorte de. C'est hyper lent, on dirait du. Il y a des paroles du coup qui sont relativement rapides. Enfin, c'est. On dirait du Doom. Mais dans les années 80. Doom, le jeu vidéo le style de son là. Donc non, c'est assez particulier quoi. Avec des. Je ne saurais pas définir ce qu'on vient d'écouter, mais j'aime beaucoup ce disque. Il y a no deux wave. Trois morceaux extraits, ouais, des trucs. Tu sais que t'as pas fini d'écouter mes expérimentations. Ben non, justement, je découvre. Oui, je dois dire en fait que aux auditeurs, aux auditrices, que je découvre les morceaux en même temps que vous, parce que voilà, c'est de la surprise. Je n'écoute pas les morceaux avant d'arriver, donc voilà, c'est ça. C'est une émission qui est préparée en live. Il y aura des trucs plus faciles d'accès, il y aura des invités qui vont jouer des trucs plus moins chelous, moins perchés, moins sombres, moins lents, je pense. Quand c'est bien placé. Et même moi, je vais en jouer tout à l'heure. Il est que 22h23, Jonas, on a encore 37 minutes à passer ensemble. Je vais repartir dans une petite session trad, folk trad, si ça te dérange pas. Vous m'aviez laissé là-dessus. S'il n'y a pas de binou, moi ça me va du coup. Ah, c'est un peu chaud, il y a beaucoup de flûte dans le prochain morceau. Si vous écoutez Boom Bomo depuis au moins un an ou deux, vous savez cette nouvelle curiosité, cette nouvelle ouverture vers les musiques traditionnelles. Et là, on peut envoyer ce morceau de Panra et Chobo Michel que j'ai eu l'occasion de jouer cet été à une teuf de ouf. Big up Poitou Mata, big up Léoman, big up tous les gens qui dansaient devant mon set folk trad. C'était ouf. Big up aussi à tous les gens qui sont venus à Trampolino pour écouter Koukagne. On pourra en reparler tout à l'heure de ce truc-là. C'était malade. C'est un très très bon concert. On écoute un peu de musique trad. C'est ça aussi, Boom Bomo. Musique des pays de France. Waouh! J'ai. Passe-mèze! Ouais, j'ai une petite question. Ça ressemblait un petit peu au générique de James Bond, tu trouves pas? Mais vraiment, hein, je troll pas là. Peut-être quelques. Tu sais, les montées comme ça. Faudrait le réécouter, on va pas se le réécouter. C'était pas Smez, la bourrée du Zarbi, ça c'est mon vraiment tout dernier achat, mais de tout dernier achat. Sorti des bacs de comme à la radio, pardon, il y a quelques jours, cette fantastique boutique de disques à Nantes. Merci Clem de comme à la radio, la bourrée du Zarbi, ah oui, de pas Smez. Et on fait un big up du coup à Koukagne, à Vincent Privat qu'on a fait venir cet été, et c'est le moment de leur dire merci. Merci à Trampolino pour la confiance, c'était une carte blanche. On a programmé ce qu'on a voulu. Koukagne, c'était un concert quand même. Incroyable. Moi, ça fait, j'allais dire, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça en concert, mais même une émotion comme ça, je pense que c'est la première fois. Waouh! Alors que c'est pas mon truc, le folk. Hein. C'était dingo ce concert. Vraiment. Les polyphonies en occitan, c'est incroyable. Le soleil qui se couche. Le soleil qui se couche, la terrasse de Trampo, les gens qui sont chauds bouillants, c'était trop ouf. Et Vincent Privat derrière en DJ set, c'était incroyable aussi. Mortel! Ouais, ça c'était un bon moment. On n'a pas beaucoup fait parler de nous depuis le mois de juin, on a juste organisé ce concert grâce à Trampo, merci beaucoup, c'était chambé. Jonas, va falloir m'arrêter cette année parce que sinon je vais passer que du folk trad. D'ailleurs, là je sais même pas ce que je joue après ce track, donc n'hésite pas. Ben, justement, je pense que. Parce que le thème de l'émission c'est quand même du coup les trouvailles de l'été. Oui. Et moi il y a un morceau qui tourne depuis, depuis un petit moment sur mon iPod, donc je me suis dit, allez banco parce que. Je n'ai pas ta collection de iPod. Voilà, exactement. Voilà, donc je fais dans le old school, mais plutôt des Jonas, années 2000. On n'est plus en 2009, ni en 2007 ou 2008. Ouais, mais moi, t'as encore un iPod. J'ai un iPod pour la musique, un téléphone pour téléphoner, un appareil photo numérique pour prendre des photos. Waouh. Et donc oui, voilà. Donc je vais juste présenter vite fait le morceau. Est-ce que ton câble est à la bonne distance pour cliquer? Le câble est à la bonne distance, mais maintenant j'ai éloigné la souris parce qu'en fait, bon, c'est un bazar avec cette souris, mais ça baisse les tranches. Les tranches, c'est ce qui te permet d'envoyer les micros, tout ça. Donc en fait, c'est pour ça que les morceaux partent pas au bon volume. Mais là, c'est bon, c'est réparé. J'ai tout réorganisé. Je sais pas comment ils faisaient Indie Waves. Bah non, il y a personne. Bah si, c'était Indie Waves avant nous, il y a 2 heures avant nous. Et ça devait être un bazar aussi pour gérer ça. Bref, tout est rangé. Et mesdames, messieurs, je vous présente un morceau d'Alain Bashung qui s'appelle Reviens, va-t'en. Très très bon. Et il tourne dans mes oreilles depuis quelques temps. Je souhaitais vous le faire partager. Enfin, écoutez plutôt. C'est chaud, j'ai plus qu'à trouver un autre chef et à cracher le morceau. Apprenez au ménage le pont de la rivière Kwai. Dans le zoo où j'étais encore épouvantail. Reviens, va-t'en. Thank you. Et wow. On est reparti un peu plus dans les chansons populaires françaises, dans le sens, c'est un petit peu plus connu. Et il est catchy, ce morceau, il marche bien. Mortel. Marche bien. Ouais, ouais, carrément. Tu me l'as fait découvrir, il est pas du tout... Enfin, si, Alain Bachung est connu, évidemment, ouais, bien mais ce sûr. Morceau-là, peut-être pas particulièrement. Un petit peu, bah, c'est après, c'est le début de sa période face, hein. Du coup, on en a 81, si je dis pas de bêtises. Et mais oui, c'est plus grand tube, mais il marche bien, il marche bien. On a quand même deux running gags depuis à peu près 5 ou 6 ans, je vais y arriver dans Boom Bomo. Le premier, c'était de changer d'indicatif. Ouais. C'est fait. Ouais. Le deuxième, c'est de faire une émission consacrée à Alain Bachung. Oui, voilà. Est-ce qu'on ferait pas les deux, est-ce qu'on remplirait pas ces deux objectifs dans la même saison? Eh ben, si, c'est prévu, et du coup, on aurait peut-être un invité surprise, du coup, qui paye pas sa cotise, mais là, c'est normal, du coup. Hey, Yanis, comment ça va? Exactement. Je spoil, mais voilà, on va peut-être avoir un petit retour de Yanis, bah, plus d'un, j'espère, en tout cas, pendant cette saison, et on pense, sans trop divulgâcher tout ça, on pense faire quelque chose pendant l'hiver, donc peut-être janvier, février, peut-être par là, peut-être pour la Saint-Valentin. Divulgâcher spoiler? Divulgâcher? Ben, on est... C'est l'émission de la musique française et la langue française, monsieur. On ne dit pas spoiler, on dit divulgâcher. Divulgâcher. Ah, tu ne connaissais pas ce mot? Divulgâcher. Ah bah écoute, c'est l'Académie française qui recommande l'emploi de divulgâcher plutôt que spoiler. Tu te recommandes de l'Académie française, carrément. Non, je regarde les recommandations. Tu mets sur ton CV que tu es de l'Académie française? Absolument ou pas? Absolument pas, mais par contre, je ne dirais jamais de ma vie courriel, par exemple. Email, je trouve ça mieux. Mais spoiler, je trouve ça... Enfin, divulgâcher, je trouve que c'est un joli mot. Du coup, il y a un petit côté désuet alors que c'est un nouveau mot, mais j'aime bien. Bien les mots désuets. En tout cas, tu as déjà repris tes bonnes habitudes à prune, Jonas, puisque je me tourne à gauche et je vois que le fond d'écran du salon de prune est changé. Tu as déjà mis une photo de merde en fond d'écran. Exactement. Et les bénévoles qui vont venir à prune demain matin vont de nouveau subir voilà, cette photo. Et ben, ça me fait plaisir, c'est ma petite signature. On a un petit ordinateur pour les auditeurs, les auditrices qui sont jamais venus dans les locaux de prune. On a un petit salon, et des canapés, les gens viennent, c'est un petit peu la partie publique de la radio, et il y a un ordinateur qui est là un petit peu tout seul, et c'est vrai que bah, pour égayer, j'aime bien changer le fond d'écran et mettre... En ce moment, c'est une femme biélorusse très musclée, je trouve ça adorable. En ce moment, voilà. Depuis 2016. Mais il marche bien. T'es incroyable, Jonas, tu es incroyable. Le prochain morceau qu'on va écouter, il est incroyable aussi. Bah quand même, j'allais pas passer cette émission sans faire de promo pour ma chaîne YouTube. J'ai réussi à choper cet été en Vendée un morceau, un 45 tours de Loulou. Ça s'appelle « C'est toi que je veux », c'est sur ma chaîne YouTube. Je trouve ce track absolument ouf. Loulou, « C'est toi que je veux », c'est la première Boom Bomo de la saison 8. On est sur Prune jusqu'à 23h. La tranche. C'est avec tes yeux que je sais ce que je veux. C'est avec ta bouche que je sais ce qui me touche. C'est dans ton regard que je vois ce qu'il faut voir. C'est avec tes yeux que je sais ce que je veux. tous l'amour. L'amour toujours, l'amour toujours. L'amour qui prend, l'amour va-t'en. L'amour crois-moi, l'amour pas moi. L'amour qui traîne, l'amour je t'aime. L'amour quand même, l'amour quand même. L'amour king size, Alain Brice. Ah, mais... c'est ça, c'est king size. Je crois que c'était l'amour pizza. Je fais, mais... oh, c'est trop fun comme parole, quoi. Mais alors, pour la petite histoire, il y a plein de trucs à raconter au sujet de ce morceau. Oh là là, il est 22h46, faut que je me dépêche. Le premier truc à raconter, pour surfer sur ce que tu viens de me dire, qui est totalement improvisé, c'est que j'ai eu l'immense privilège de jouer ce track en after, à peu près au 15 août. Big up à toute la team Stéphane Leduc et tout, ils se reconnaîtront. Bref. Et tous les gens chantaient l'amour pizza, l'amour pizza, l'amour pizza. Bon, je suis pas le seul, ok. Il est 9h du matin, on n'a pas beaucoup dormi, on écoute du gros son. Je joue ce track, c'était trop cool d'entendre les gens dire l'amour pizza, mais non, c'est un morceau d'Alain Brice qui s'appelle l'amour king size. Mais effectivement, on dirait qu'il dit l'amour pizza, ça rajoute un peu de magie à ce morceau absolument incroyable, une espèce d'italo boogie hyper lent, 100 BPM, ah, cool. What? Mais le killer track incroyable. Le deuxième truc que je voulais raconter à propos de ce morceau, c'est que c'est un morceau que j'ai eu la chance de découvrir sur une chaîne YouTube. On est beaucoup à avoir des chaînes YouTube sur Internet où on partage nos trouvailles de vide-grenier, d'épouvante, machin. Cyprien, tout ça. Et non. Et le Digger, le DJ sur laquelle j'ai découvert ce morceau-là, c'est ni plus ni moins que Plastic Bamboo. Donc je le remercie, Plastic Bamboo, pour la découverte de ce track incroyable. J'ai directement trop scotché sur ce track qui est vraiment ouf. J'ai eu le privilège de le trouver au mois de juin dans une ressourcerie de Loire-Atlantique, dont je le tairai le nom parce qu'elle n'est pas très connue, si ça venait, bref. Et il se trouve que Plastic Bamboo est justement notre prochain invité pour la prochaine soirée du 22 octobre. Quelle transition incroyable. C'est incroyable. Franchement, franchement, on devrait faire la radio, Jonas, tellement on est fort. Ouais, c'est vrai. Je regarde les tranches sont ouvertes, c'est bon. On revient, on est enregistré, on est en direct, c'est bon, tout va bien. On revient, enfin, en rond-point, un an et demi après la soirée Boom Boom avec Bloody Hell qui avait mis un feu de ouf. Merci encore, Bloody Hell. Ah ouais. C'est Plastic Bamboo, notre invité. Plastic Bamboo, un DJ, un producteur, un digger. J'adore sa chaîne YouTube, j'adore ses édits, j'adore son label. Et il vient vendredi prochain, donc pas celui-là, celui d'après, au rond-point. Plastic Bamboo. et moi-même et mes jockeys au platine toute la nuit au rond-point de 22h à 3h30. Ça va être plutôt très cool, je pense. Et on va notamment jouer, tous les deux, on va se battre pour jouer ce morceau d'Alain Brice, L'amour King Size. Mais Plastique Bambou, s'il veut le jouer avant moi, il le jouera avant moi parce que c'est quand même lui qui me l'a fait découvrir. Et comme je ne sais pas quoi jouer derrière, on va jouer un petit morceau d'Edmony Crater que j'ai eu la chance de choper à Albi. Mes vacances sont mieux que les vôtres. Le vide-grenier permanent d'Albi, on trouve ce genre de zouk brûlant. Edmony Crater, pan gâteau. Ah, le zouk. C'est parti. C'est pas le zouk. Waouh, Edmony Crater, Jonas, hein, je t'ai prévenu, hein. Dès le début de l'émission, faut que tu ouvres tes chakras, que tu sois curieux au maximum, plus les saisons de Boom Bomo passent, et plus on va vers des sélections curieuses et profondes. C'était bien un peu de zouk. Ouais, c'est bien, je commence à me faire ce style musical que je ne connaissais finalement pas. On change un peu de registre, le prochain track, aïe aïe aïe, la sélection de Dimitri Selectif, il y a 6 mois, elle m'avait retourné la gueule, notamment avec un track de GVJ avec Steve, ça s'appelle Baise ma bouche. Lui, il avait joué la version de Steve, c'est sur le maxi. Moi, je joue la version saxophone ce soir. J'ai acheté sur Discogs. Ça m'arrive quasiment jamais d'acheter sur Discogs. Bah alors. Là, j'ai craqué. Un coup de foudre. Ah là, mais j'ai adoré ce morceau. Ça, je vais le jouer la semaine prochaine, c'est sûr, au rond-point avec Plastic Bamboo. Big up à Dimitri Selectif de Gritz, un collectif de Granville. On va les réinviter cette année dans l'émission parce que c'était vraiment cool ce qu'ils ont fait l'an dernier. GVJ avec Steve, Baise ma bouche. C'est pas encore sur YouTube cette version. Ça le sera demain. Vous écoutez Boom Boom On ensemble jusqu'à 23h. J'adore ce track. Ce saxophone incroyable, GVJ avec Steve. On le stoppe un peu parce qu'il est déjà l'heure, 23h. On va essayer d'être réglo pour notre première émission de la saison. Exactement. Ce serait dommage. Il termine à 23h04. Ouais, grave. Ce sera sur YouTube en version complète dès demain. Et si vous voulez l'écouter en mode dance floor avec plein de gens déchaînés qui dansent, ce sera vendredi prochain, 22 octobre, avec Plastic Bamboo et ma mémoplatine. Et ça va être vraiment chambé. C'était trop cool, Jonas, de te revoir à Prune. Ben, on s'est revu entre temps, mais de te revoir à Prune, c'était vraiment chambé. Ouais. On est trop content de reprendre l'antenne. Il y aura de nouveau cette année plein d'invités, plein de surprises, plein de gens qui vont venir passer des disques. Si possible, une émission spéciale Bachung. Ah oui, bah bien sûr, c'est pas si possible, c'est à l'heure à lieu. En tout cas, dès la semaine prochaine, notre nouvel indicatif résonnera à 22h sur Prune avec ce son incroyable de Gainsbourg, Mon Légionnaire. Avant de nous quitter, on écoute un dernier track que j'ai trouvé cet été, que j'ai mis sur ma chaîne YouTube cet été. Ça s'appelle Storm Voices. Storm Voices, c'est un groupe de musique électronique français du début des années 90 qui était actif essentiellement dans le sud de la France. Et ils ont sorti 2 ou 3 45 tours, et notamment ce DJ Makes Me Dancing. Moi, c'est un gros coup de foudre, un truc que j'ai vraiment trop kiffé cet été. Et il se trouve que la chanteuse, qui s'appelle Audrey Dacosta, mais c'est la seule info que j'ai à l'époque où je trouve le disque, elle m'a contacté sur Instagram. Ah mais oui, tu m'as raconté. Quelques semaines après, pour me dire ah merci, vous avez mis le morceau en ligne, c'est trop cool. Elle m'a raconté plein de trucs. Donc du coup, la description du morceau, elle est beaucoup plus précise grâce à Audrey. Oui. Je kiffe trop mettre des morceaux en ligne et que les artistes me contactent et me disent merci et me racontent un peu plus d'histoire. Bref, il est 22h58. Storm Voices, DJ Makes Me Dancing. Audrey, je te fais un gros bisou. J'imagine que tu es dans le sud de la France au moment où tu nous écoutes. Je vais lui envoyer le podcast demain. On retrouve la tracklist complète de Boom Bomo sur le site www.prune.net. On revient en direct la semaine prochaine. On sera au rond-point à 22h avec Plastic Bambou. Bisous, Jonas. Ciao, les petits loups. Crazy has my crazy nose, eh? Do you feel it, boys? Did you make the house go round? Come on, get up, get down. Everybody in the house dancing, everybody in the house crazy. So let's get together tonight, let's go crazy. Crazy in the house, make crazy noise in the body. Get dancing, to make your body move and make us life. Don't be lazy, let's go dancing. Come on, get up, move your body. So nice, so good, to get down and move. Everybody, clap your hands, everybody. Dance and dance, everybody. Come to the beat, everybody. Let's go crazy. Clap your hands, everybody. Dance and dance, everybody. Come to the beat, everybody. Let's go crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. DJ makes me dancing. DJ makes me dancing. DJ makes me dancing. DJ makes me dancing. You make me dancing. You make me dancing all night. You make me dancing. You make me dancing all night. Power, make my body rock all night. Come on, get up, get down. Everybody's doing new dance. Don't need holding his hands. So let's get together tonight. Let's go crazy.